إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد وفقكم الله لبلوغ شهر رمضان وإدراك خيراته والتماس أنواره وبركاته وإنها لفرحة عظيمة تغشى عباد الله سبحانه وتعالى عباد الله المؤمنين فتضيء لها محياهم وتشرق حياتهم وتستنير قلوبهم عباد الله لقد أنزل الله كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا وكان ذلك في ليلة القدر يقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ويقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة رواه النسائي والحاكم ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان ثم أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله إنزاله إليه انتهى كلامه عباد الله شهر رمضان هو شهر القرآن ذلكم الكتاب الذي لا تكل الألسنة من تلاوته ولا تمل الأسماع من حلاوته ولذته ولا يشبع العلماء من تدبره ولا يستطيع أي مخلوق أن يأتي بمثله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عباد الله لقد كان صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مزدالا بقراءة القرآن وذكرا وتلاوة وتدبرا فالقرآن سميره وأنيسه يذاكره جبريل القرآن كل سنة فيقف عند مواعظه ويتأمل أسراره وحكمه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة أخرجه الشيخان وقال ابن جرير وقال ابن رجب رحمه الله دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان وأضاف رحمه الله وفي حديث ابن عباس دليل أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا مما يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. عباد الله، لقد أدرك السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان سر عظمة القرآن، فطاروا بعجائبه وعاشوا مواعظه وحلاوته، وفي المواسم الفاضلة يزداد التعلق ويشتد التسابق. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفرطون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبشجاعه إذا الناس يختالون. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. ويقول ابن الحكيم: كان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. يقول الإمام الذهبي: قد روي من وجوه متعددة أن أبا بكر بن عياش مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في يوم وليلة مرة، فإن قيل أيهما أفضل، أن يكثر الإنسان من التلاوة أو يقلل مع التدبر والتفكر؟ فيجيب عن ذلك النووي رحمه الله بقوله: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من أهل الهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم وغيره من المهمات من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمة. انتهى كلامه. وأما حديث ما فقه القرآن من قرأه في أقل من 3، فقد أجيب عنه بما يلي. يقول ابن رجب رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا، وفي الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، في رمضان يجتمع الصوم والقرآن، فيدرك المؤمن الصادق شفاعتان: يشفع له القرآن لقيامه، ويشفع له الصوم لصيامه. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب، منعته من النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. رواه أحمد. وعند ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وقال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما، وفي أجره أو وفي أجره بغير حساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné le succès de pouvoir atteindre ce mois du Ramadan et de pouvoir obtenir de ses bienfaits et de chercher sa lumière et sa bénédiction. Et c'est une grande joie pour les croyants qui remplit les serviteurs d'Allah qui sont les croyants et qui illumine leur vie et qui remplit leur vie de lumière et leur cœur également. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son Coran. Il a fait descendre son Coran sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'un seul coup, de Lawh al-Mahfouz jusqu'à Baytul Izzah. Et de même que la révélation du Coran, donc elle est descendue d'un seul coup de Lawh al-Mahfouz jusqu'à Baytul Izzah, et c'était dans la nuit de la destinée, dans Laylatul Qadr. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous l'avons fait descendre dans une nuit, dans la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Et il dit également, nous l'avons fait descendre dans une nuit bénite, c'est-à-dire la descente du Coran de Lawh al-Mahfouz jusqu'à Baytul Izzah. Comme Abdullah ibn Mas'ud l'a clarifié, il a dit que le Coran a été descendu d'un seul coup de Lawh al-Mahfouz jusqu'au dernier des cieux, et puis ensuite il est descendu par partie selon les événements pendant 20 ans durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Ibn Jarir al-Tabari, le grand savant de tafsir, il a expliqué dans son tafsir que le Coran est descendu de Lawh al-Mahfouz jusqu'au dernier des cieux pendant la nuit de la destinée, et c'était pendant le mois de Ramadan. Et puis ensuite, le Coran est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du dernier des cieux jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les situations et les événements pendant la durée de sa prophétie. Serviteurs d'Allah, sachez que le mois du Ramadan est le mois du Coran. Et donc, c'est un livre que les musulmans ont pris l'habitude de réciter pendant toute l'année. Mais pendant le mois du Ramadan, ils font encore plus d'efforts pour le lire, pour le réciter et pour réfléchir sur ses sens et sa signification. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que c'est un livre qu'il a révélé et qui est béni. Et il l'a révélé pour que les hommes puissent réfléchir et méditer sur ses sens, et pour que les gens qui ont la raison puissent se rappeler et se souvenir des bonnes choses et des choses bénéfiques pour eux. Et en particulier, lors du mois de Ramadan, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque année pendant le Ramadan, il recevait dans chaque nuit la visite de Jibril alayhi salam, et il revisait avec lui le Coran et il étudiait avec lui le Coran. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la visite de Jibril et qu'il récitait le Coran, eh bien il était encore plus généreux et encore plus actif dans son adoration et encore plus fort dans le bien qu'il faisait qu'à l'habitude. De même que il est bien de profiter de la récitation du Coran pendant la nuit, puisque la nuit, pendant le Ramadan, c'est un moment dans lequel on peut avoir plus de temps pour réfléchir et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque pendant la journée, chacun d'entre nous est occupé avec des différentes occupations, des choses de la dunya, tandis que la nuit, c'est un moment dans lequel on a plus de tranquillité et plus de calme, et donc on est capable de profiter de ce calme et de cette tranquillité pour réfléchir et méditer sur le Coran. Et pendant le Ramadan, il y a eu des mentions de la part de plusieurs d'entre les ulama de l'islam et depuis l'époque des Sahaba jusqu'à nos jours, que les ulama ils faisaient beaucoup plus d'efforts pour réciter le Coran pendant le Ramadan, et certains même ils allaient jusqu'à le terminer plusieurs fois pendant le mois de Ramadan. Certains le terminaient une fois, deux fois, trois fois, et même certains, on a rapporté qu'ils le terminaient même à chaque jour. Et il y a eu des mentions de ça dans plusieurs paroles des salafs à ce sujet, que lorsque c'était le mois de Ramadan, ils laissaient les autres sujets et les autres sciences et ils se concentraient uniquement sur la récitation du Coran et sur la compréhension du Coran. Et cela a été mentionné, comme on a dit, par plusieurs des ulama et des imams des salafs. Et une chose aussi qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a mentionné que celui qui récite le Coran en moins que 3 jours, eh bien il ne comprend pas ce qu'il a lu. Hein? Et les ulama ont répondu à ce hadith-là en expliquant que ça, c'est celui qui prend l'habitude de réciter le Coran en moins que 3 jours pendant tout le temps, eh bien ça c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Toutefois, si quelqu'un profite des jours du Ramadan et des nuits du Ramadan ou des occasions qui se produisent rarement, comme lorsque quelqu'un va visiter Mecca ou des choses comme ça, des lieux ou des moments qui sont spécifiques, eh bien il n'y a pas de mal d'en profiter et d'essayer de faire plus que d'habitude et d'obtenir le plus de bénédictions. Et d'après ce qui est rapporté également du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du Coran et du jeûne, c'est que ce sont deux choses qui vont intercéder pour le serviteur au jour de la résurrection. Donc la personne qui récite le Coran, la personne qui fait le jeûne, eh bien au jour de la résurrection, son jeûne et sa récitation du Coran va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, et son jeûne va dire: je t'ai empêché de manger et de boire et de satisfaire tes désirs pendant le jour. Alors il va dire: oh Allah, je l'ai empêché de manger et de satisfaire ses désirs pendant le jour, alors laisse-moi intercéder pour lui. Et le Coran va dire: je t'ai empêché de dormir la nuit, il va dire: oh Allah, je l'ai empêché de dormir la nuit, alors fais que je puisse intercéder pour lui. Et ils vont intercéder tous les deux. De même que le Coran va venir au jour de la résurrection sur l'apparence d'un homme, et il va dire: je t'ai empêché de dormir la nuit, et je t'ai illuminé pendant le jour, je t'ai rassasié durant le jour. Donc c'est pour dire que au jour de la résurrection, tes bonnes œuvres vont intercéder en ta faveur et ils vont être un bien, une source de bien pour toi. Et dans le mois de Ramadan, il y a 2 luttes que le serviteur doit accomplir. C'est la lutte dans le jour, du fait qu'il jeûne, il s'abstient de manger et de boire, et de ses rapports intimes, et de ses désirs. Et la nuit, avec la récitation du Coran et la prière de la nuit. Et donc celui qui est patient et qui endure dans ces 2 luttes, eh bien il aura sa récompense sans calculer. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner sa récompense immense, sans calcul. Donc il faut profiter de cette occasion du mois de Ramadan, surtout que déjà la moitié du mois est déjà passée. Hein? Et donc on est en plein dans la mi-mois du mois de Ramadan. Donc il faut en profiter le plus possible et faire encore plus d'efforts. Si on a négligé dans le début du Ramadan, continuer dans nos efforts et continuer à faire les prières de la nuit, à continuer à réciter le Coran encore plus, essayer de le compléter, de réfléchir sur ses sens, et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il purifie notre intention, qu'il purifie nos cœurs, qu'il purifie nos actions, qu'il fasse que nos œuvres soient acceptées de sa part, et qu'il nous fasse par cela rentrer dans son paradis, et qu'il nous préserve du châtiment du feu de l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم